بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس ال 41 بعد 100 141 question ou leçon في السؤال 47 و 200 و 1000 1247 question الى ماذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الغير قادر على الزواج maintenant qu'a conseillé le prophète صلى الله عليه وسلم au jeune qui n'est pas en mesure de se marier mais qui souhaite se marier il lui a enjoint de jeûner. Comme dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, quand le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a. Al-ba'ata falyatazawwaj. Fa'innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa'alayhi bisawm fa'innahu lahu wija'un. Muttafaqun alayh. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: "Oh, vous les jeunes, celui d'entre vous qui peut se marier, qu'il le fasse. C'est-à-dire qu'il y a les moyens de se marier, soit financièrement, ou soit qui, certains ont interprété ce mot-là, al-ba'a, car le fait de pouvoir avoir des rapports. Donc il dit qu'il se marie. Donc c'est un encouragement à se marier. Et que cela préserve du regard, c'est-à-dire cela évite de regarder ce qui est interdit, c'est-à-dire le mariage. Et cela préserve les parties. Ça préserve le sexe, c'est-à-dire le fait de tomber dans les choses interdites, dans la fornication, ou voire même, lorsque certains ont permis qui est interdit, malgré tout, par exemple, la masturbation. Et celui qui ne peut pas se marier alors qu'il jeûne, car cela est une protection pour lui. Donc ce hadith-là est une réputation à ces gens-là qui permettent de se masturber. D'accord ? Et wa kadhalika ta'ala, alazim li furujim hafizun illa ala zawjihim aw ma malakat aymanuhum. Que ceux qui préservent leur sexe, si ce n'est avec leurs épouses, ou de ce que leurs mains possèdent, c'est-à-dire leurs esclaves. Donc à aucun endroit, il est cité qu'il est permis de se masturber. Et dans ce jamais ça avait été le cas, le Nabi Sallam l'a autorisé. Cependant, il a dit quoi? Il a dit, mariez-vous si vous ne pouvez pas de faire le jeûne. Et le jeûne, ça va réduire des pulsions sexuelles dont sont atteints les jeunes en général. Et en même temps, il y a plein de causes à éviter. La mixité, le fait de regarder des choses interdites sur les téléphones portables, où il y a des femmes, par exemple, d'accord, toutes ces choses-là, ça amène à ce que les pulsions se réveillent. Donc les gens doivent faire les causes également et appliquer la religion, ce qui va les préserver. Aujourd'hui, tout le monde s'expose après, dit, je suis tombé dans le péché, je ne sais pas pourquoi. Ben, regarde déjà ton téléphone portable, qu'est-ce que tu regardes à longueur de journée? Et également, c'est un tembi pour des gens qui s'apparentent à la salafia, qui ont des comptes sur Twitter ou sur Facebook ou sur YouTube ou autre que cela, qui propagent des articles ou des images dans lesquelles on voit des femmes étrangères. Cela n'est pas permis. Voilà, c'est pas permis. Le fait de retweeter, par exemple, un tweet sur lequel il y a une image d'une femme, une journaliste, même si c'est une femme qui n'est pas belle, admettons que c'est la femme la plus moche du monde, le fait qu'elle soit belle n'est pas une cause. À partir du moment où c'est une femme étrangère, on n'a pas à la regarder. Et ces gens-là te mettent ça devant les yeux. Et après, ils te disent, j'appelle Allah, j'appelle à son messager, avec la compréhension des salafs. On dit, là, tu appelles au fisc en faisant cela. Alors, je viens nous a dit de baisser le regard. En toutes circonstances, que ce soit dans la rue, dans la maison, ou sur un téléphone portable. Ou devant la télévision, qui à la base, elle est interdite. Et ces gens-là te mettent le péché devant les yeux. Et se disent prédicateurs. Donc, les gens craignent Allah dans les réseaux sociaux. Voilà que les gens craignent Allah dans ce qu'ils propagent. Car ils sont interrogés sur chaque chose qu'ils ont faite. Et des fois, un tweet, ce n'est que quelques lignes, mais peuvent coûter cher à beaucoup de personnes. Elles peuvent coûter cher à beaucoup de personnes. À la base, déjà, la photo, c'est interdit. La photo comprenant un être doté d'une âme, soit un animal ou un être humain, c'est interdit. Qui plus est, une femme étrangère. Et pareillement pour les femmes qui tuent des choses avec des hommes, que d'autres sœurs vont regarder. C'est pareil. Ou même un homme qui tweet et met la photo d'un homme, une sœur va le suivre, elle va regarder, elle va voir la photo de l'homme. Ne pas croire qu'il n'y a que l'homme qui est faible, la femme aussi elle est faible. La femme peut être tentée par un homme qui est beau. Donc tout cela, ça contribue et ça mène à bien faire comprendre aux gens le mal des photos de ces réseaux sociaux aujourd'hui, d'accord, et de ces téléphones que l'on utilise, ou les tablettes, ou même Internet de façon générale, de craindre Allah Azzawajal. Car il y a un khayr dedans, mais il y a un mal plus grand. Et le muwafaq, celui qui sait comment l'utiliser à bon escient et qui fait attention. ثم قال في السؤال 48 و40 و200 و1000 1248 question كيف يهنئ من تزوج او ينه نعم يهنئ من تزوج comment on fait les félicitations de celui qui s'est marié comment félicitons de celui qui s'est marié On le dit comme dans le hadith d'Abu Huraira, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في الخير رواه الترمذي. Qu'il disait le Nabi صلى الله عليه وسلم que Allah mette baraka sur toi, ou qu'il t'accorde la baraka, ou qu'il mette la baraka sur toi et qu'il l'unisse entre vous deux dans le bien, entre toi et ton conjoint. ثم قال في سورة التاسعة والأربعين ومئتين وألف 1239 question ou 49 question. ماذا يقول من نزل منزلا ou منزلا. Que doit dire celui qui se rend en un lieu nouveau, un nouveau lieu, il s'y rend. Par exemple, demain il s'est marié, il rentre dans une nouvelle maison pour vivre avec sa femme, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit? Comme dans le hadith de Khawla bint Hakim السلمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بالله أو أعوذ بكلمة الله تامت من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم. Qu'il dit celui qui vit dans un nouveau lieu, d'accord, qu'il dise je recherche refuge par les paroles d'Allah parfaites du mal qu'il a créé, que rien ne le nuira jusqu'à ce qu'il quitte ce lieu. Même jusqu'à ce qu'il quitte ce lieu, rien ne le pourra lui atteindre en mal. Rapporté par Muslim. Ce maqala fi su'al 50 wa 200 wa 1000 1250 question. Maza yaqulu idha sana'a lahu insan ma'rufan. Que dire à celui qui t'a fait un bien, qui t'a rendu un service, qui était bienfaisant envers toi. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أسامة بن زيد من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. Celui à qui on a fait du bien, d'accord, alors qu'ils disent à ce bienfaiteur qu'Allah te rétribue en bien, il aura fait une grande éloge à cette personne-là, d'accord, il aura fait de grandes éloges à cette personne-là. Cette parole qui paraît vraiment minimum à dire, elle apporte un grand bien à cette personne-là, car c'est un doa. Et tu fais un doa que alors le rétribue en bien. Si Allah répond à ton doa, cette personne-là, même si on dit qu'il t'a donné des richesses, de l'argent, par ce doa-là que Allah te répond, il aura bien plus que cela encore. Et des fois, des gens disent Jazakallahu alf khayr, ma salen. Ça ne sert à rien de dire que Allah te donne 1000 biens ou 10 000 biens. Quand on dit un bien de façon indéfinie, c'est-à-dire tout le bien. Cela est encore plus grand que 1000 que de le définir par un nombre. Cela est meilleur. Ça, c'est une remarque que nous a fait part notre cheikh Abdelhamid Hajouri, Hafizallahu ta'ala. Yaqul fi su'al 51 wa 200 ba'd 1000. 1250e question. Maza yaqul man 'atas wa bima yuraddu 'alayhi. Donc maintenant, que doit dire celui qui a éternué? Et par quoi doit-on lui répondre? À savoir déjà une chose, que le fait d'éternuer, c'est la première chose que Adam alayhi salam a fait après que Allah Azzawajal lui donnait le souffle de vie. Il a éternué. Donc l'éternuement, c'est une chose qui est bonne. D'accord, c'est une chose qui est bonne. Donc dans le hadith d'Abu Huraira, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'ala iza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Donc celui qui éternue, qu'il dise alhamdulillah. D'accord. Walyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Qu'il lui dise qu'Allah te fasse miséricorde. Donc maintenant, si quelqu'un te dit yarhamukallah, quand tu dis alhamdulillah, toi tu réponds à cette personne-là qu'Allah vous guide et qu'il vous réforme. D'accord, la réforme apportée par le Bukhari. Et une chose maintenant à ne pas faire, si quelqu'un il éternue, ne le dis pas, dis alhamdulillah. D'accord, ne le dis pas. Dans des hadiths, c'est venu que les compagnons, qu'un enfant avait éternué, un autre n'avait pas éternué. Que deux enfants ont éternué, et un a dit Alhamdulillah, l'autre ne l'a pas dit. Donc là, c'est plein. Pourquoi ne m'as-tu pas dit Alhamdulillah? Il l'a dit parce que tu n'as pas dit Alhamdulillah. Alors que l'autre, il l'a dit. Donc ce sahabi n'a jamais dit Alhamdulillah. Ce n'est pas obligatoire. Mais celui qui dit Alhamdulillah, d'accord, toi, tu lui dis Alhamdulillah. Et après, toi, tu réponds à cette personne-là. Et ça, c'est parmi les droits du muslim. S'il dit Alhamdulillah, tu le dis Alhamdulillah. Là, c'est obligatoire de le faire. Mais il faut l'entendre aussi, il faut l'entendre. 1252e question. Que doit faire celui qui a une nouvelle, qui a une nouvelle qui lui fait plaisir? Il se prosterne, ce qu'on appelle la prosternation de remerciement. Comme dans le hadith de Ka'b Malik, dans le long hadith, lorsqu'il s'est fait boycotter par des compagnons du fait qu'il n'avait pas participé à la bataille de Tabouk, sans excuse, après il a reconnu son erreur et il s'est excusé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était éprouvé lui, ainsi que des autres compagnons, par le hajr. Ils ont reçu un hajj pendant 50 jours, 50 nuits. Et lorsque la libération est venue, d'accord, car c'était une chose qui était vraiment éprouvante pour eux, il a fait le sujoud de choukr. Il se remercie, il se prosterne à ce sujoud de remerciement. Et ce sujoud-là, prosternation, ne demande pas d'avoir l'odo, et ni d'être en direction de la Qibla. Tu le fais comme ça. D'accord, tu le fais comme ça, dans l'absolu. Pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال في السؤال السادس وخمسين ومئتين وألف 1256 question. ماذا يقول من غضب؟ Que dire celui qui se met en colère? Que dire celui qui se met en colère s'il veut se calmer? Il dit, comme dans le hadith de Suleyman ibn Surad, قال استب رجلان على النبي صلى الله عليه وسلم, que deux hommes étaient en train de s'insulter devant le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire qu'ils se disputaient. فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه, que l'un d'entre eux, son visage devenait rouge de la colère, ou ses yeux plutôt, de colère, d'accord, et que ses joues gonflaient, ou ses pommettes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, qu'il a dit, Nabi sallam, je connais une parole, parce que si elle l'a prononcée, il perdrait ce qu'il ressent en lui, s'en irait. Il dit, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, je recherche refuge auprès d'Allah, contre le shaitan qui est lapidé. Et regardez bien dans le hadith, Nabi Sallam ne lui a pas dit directement de dire cela. L'esprit dans la colère, la personne devient encore, parle encore plus grave. Ça veut dire qu'il faut que la personne soit intelligente. Quand tu vois que ton frère est pris dans une colère, il est pris de démence, il ne sait même plus ce qu'il fait, laisse-le se calmer avant de lui parler. Car il se peut qu'en faisant cela, il s'énerve encore plus. D'ailleurs, dans une version du hadith, des sahabas sont partis le voir, sont en colère, et lui ont dit, quand elle Nabi Sallam, kaza wa kaza. Ils l'ont dit, il s'est mis en colère, il a dit quoi, je suis fou. Il a refusé de le dire, il s'est dit, je suis fou, à cause de la colère. Donc quand des fois des gens ils sont en colère, des gens veulent le calmer, ou veulent régler un problème alors qu'ils sont en colère, tu vas le mettre encore en colère encore plus. Laisse se calmer, d'accord, et après, parle-lui. Mais sur le moment, c'est rien. Des gens dans la colère peuvent dire du kufr. Des gens peuvent peut-être lancer le mushaf dans la colère. Des gens peuvent dire des paroles graves. Ils sont en colère, tu lui dis taqillah. Il va te dire ma taqillah. Il va dire je ne crains pas là, qu'est-ce qu'il y a? Ça a déjà été vu des choses comme ça, des réactions comme celle-ci. Après, quand ils se calment, t'en as, ils insultent Allah quand ils sont en colère. Seulement, tu as des colères qui sont excusables et d'autres qui ne le sont pas. Ce n'est pas toute colère sur les excusables. Là, on parle de la colère. Celui, il sait même plus ce qu'il fait, tant moins il est en colère. Et t'en as d'autres, il sait ce qu'il fait, c'est une colère juste. Sur le moment, lui, c'est grave. Comme dans la joie également, comme dans ce hadith de cet homme, tellement il était joyeux, qu'il a dit. Allahumma anta abdi wa rabbuk. Il dit, oh Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Il a été pardonné à cause de quoi? À cause de la joie qu'il a ressentie tellement elle était grande. Donc il en demeure de même pour la colère. Donc de là être, de faire preuve de bonne politique avec les gens. Quand tu veux calmer quelqu'un, régler un problème, déjà, attends que la personne se calme. Et parmi les choses qui a à se calmer, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi, le fait de faire l'ozo également. D'accord, le fait de faire l'odo et le fait de s'asseoir. D'accord, le hadith n'est pas authentique, mais c'est une chose qui a été constatée comme étant valable. Fa sanak bi hadha al-qadar al-yawm wa subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.